tu es censé être mort de rire. Ça m'a fait rire, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, c'est con, on va s'en occuper. Oh, oh Malouda. Ça va les filles? Ça va et toi? Salut. Ça va. La grande forme. J'étais ce week-end à Madrid, on s'est bien amusé, mais c'était calme. Hein. Bah, je trouve qu'on a vieilli. Ah ouais? Tu m'étonnes avec ce que t'as pris, t'as pris un coup de vieux. Ouais. Non, c'est pas vrai, on a été hyper sages. C'est très chouette d'ailleurs. Putain, tu voyages beaucoup. Hein. Je voyage beaucoup à Madrid surtout. Ouais, j'ai remarqué ça. Il y en a qu'un qui m'invite, hein. Je tiens quand même à le dire aux autres. J'en ai beaucoup entendu parler. Hein. Quand tu veux. Ah, d'accord. Hein. Bon, mais je vais venir alors. On a eu quand même un super auditeur. Vous avez remarqué qu'il s'appelait Karim, non? Et le mec, il avait l'accent de banlieue belge. C'était Wash my girl, dis donc, t'as vu la famille, ça va bien? Alors, tape-moi un sec, alors. Ça, j'avais jamais entendu, moi. C'est vachement bien, putain. Et du coup, le mec te fait pas peur. Et vas-y, fraîchement, balance l'oseille, là, ou je vais te péter ta reine. Tout d'un coup, sympa. Du coup, ça passe. Alors, au début, j'arrivais pas à cerner. C'est Daniel qui m'a aidé. Il m'a dit, quand il a dit « Denazer !» Là, j'ai compris. Je le caricature à peine. C'est très léger. Hein. Alors, LKR Larsen, vous n'avez pas aidé LKR Larsen, le bison, qui était un peu le surnom de Gignac aussi, tu sais, il avait un côté. Oui, mais l'autre c'était le bison futé, pas Gignac. Non. Gignac, il aurait fait le côté ouais, futé. C'est vrai que c'est déjà le bison. Mais c'est même plus le bison, lui. Gignac, maintenant, c'est le zombie. C'est un peu, c'est pas loin, mais c'est pas pareil. L'Olympique de Marseille. Affûté. Oh, les assassins. Hein, il est affûté, non, ni A ni futé. Il est rien. Bien, Philippe. Bien. La Brune qui a demandé quand même que chacun au club respecte un droit de réserve. Je suis quand même à dire que l'équipe respecte un niveau de réserve et c'est déjà pas mal. Faut quand même derrière le souligner. C'est dans le vestiaire. Là, par contre, dans le vestiaire, on dit dans le ciel, il y a les pros des champs et les pros à Nigo. Mais franchement, j'ai regardé, il n'y a pas de pros. Hein. Il n'y a aucun pro dans cette équipe, sinon on l'aurait vu depuis longtemps. Hein. Que ce soit à Dichon ou Nigo. Et l'OM, bien sûr, l'OM qui est sa frite entre. Le rat des villes et le rat des champs. Ouais. Le Red Devil, non, le Red Devil, il est pas là, il est à Liverpool. Non, il est à Manchester. Anigo et Deschamps, ça frite. Donc, dans l'équipe des Deschamps, ça va plus du tout. Alors, regarde, Rémi Morel, il est pas content du tout, hein. C'est quoi ce que ça veut dire? Là-bas, alors, le Morel, il dit non, dis donc, j'ai vu que c'était le bordel, là, hein. Alors, le sujet, alors, c'est pas moi, encore une fois. Alors, encore qu'on dit encore que le père Morel, il est en la rue, qu'il en pipe pas une, qu'en défense, il en prend tellement dans le dos qu'on dirait la Gay Pride. Mais là, faut arrêter maintenant, hein. Alors, Anigo! Anigo qui dirait du mal de Dédé hein, dans son dos, alors qu'il tirait les ficelles et tout pour qu'il se casse la gueule. Alors moi je dis bon, mais bonjour José. Alors, José, faut avouer que tu n'es un peu taquin, hein, tu n'es taquin, hein, parce que tu n'es colère contre le Dédé, qu'est-ce qu'il dit de toi? Bon, le problème, c'est que l'autre, là, il bave là, devant les journalistes. Et ça se fait pas, il commence à. Il a des couilles, il a pas les couilles de venir me voir en face. Moi, tu aimes me voir en face, sinon, faut pas décoller, quoi. Franchement, moi, je vais lui mettre sur la gueule, sans compter les joueurs, là, qui me prennent dans la tête, là, sous prétexte qu'ils ont été carjaqués, là, homejaqués, là, et qu'ils arrivent pas à s'en remettre. Putain, franchement, il y a pire, hein. En 98, il y a une équipe, l'équipe, là, ils avaient été aimé-jaqués, eux. Franchement, ils se sont jamais remis, quoi. Alors qu'ils n'arrêtent pas à me casser les couilles. Parce que comment ça me les briser, là? Je te jure, je te la trappe, là. Moi, je vais lui prendre les couilles dans les tours. Allez, là, papa, là. On se calme, hein? Tu étais à Radio Monte Carlo, là. T'as un peu de respect pour la famille princière. T'es pas au MTV, là. Tu sais combien il a gagné de titres, le Dédé? Combien t'as gagné de titres, toi? Bon, je sais pas. T'as combien t'as gagné de titres? Il a gagné 20 titres en 20 ans! Là, quand tu n'auras 20 titres, tu voudras l'ouvrir! Non, c'est vrai que ça va pas mieux, hein. Franchement, l'OM, je suis un petit peu inquiet. Il y en a pour qui ça va très bien, c'est le Stade Rennais. Ah, c'est vrai, ils vont bien, le Stade Rennais, tout le monde s'en fout. On en a fout. Pas parlé ce parce soir. Parce qu'on s'en fout, on va pas se mentir. On va se faire des ennemis, Gilbert. Non, on va pas se faire personne, parce que s'il crie aussi fort à la radio qu'il crie dans le stade, tu vas pas risquer grand chose, Daniel, tu les entendras pas. Non, c'est pas vrai, j'adore les stades. Moi, surtout Yann Villa que j'aime bien, Yann Villa. Yann Villa, c'est quand même le mec qui s'est le plus fait malin. Ah non, c'est un mec malin. Le mec, il porte plainte parce qu'il s'est fait tirer sa montre par une pute. C'est que le mec, c'est pas un con. Il s'est dit pour être discret, tu sais, pour pas se faire gauler. C'est vachement bien vu. Il va directement au commissariat, il en parle à tout le monde. Est-ce que personne aurait vu la pute qui a piqué ma montre? Là, il me dit là, non, c'est pas un con, c'est un malin. Attention, lui, on la lui fait pas. Je pense que le jour où il va être marié, lui, il va être très très bon, lui. Dis donc, Yann, je comprends pas là. La montre que je t'ai offert, je la trouve pas, me dis pas que tu l'as perdue quand même. Chérie, franchement, je te jure, bébé, franchement, je l'ai pas perdue, c'est une tepue qui me la bébarre. Comment? Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas compris. C'est une tepue qui me la bébarre, je te dis. Il te pue, c'est-à-dire. Mais je te jure, putain, franchement, demande à Charlie Acadère, là, il était avec moi, là, on a gangbangé toute la nuit au campanile de Corbeil-en-Parisie. Franchement, fais-moi confiance, bébé. Franchement, sur la vie de ma mère, elle avait un boule de compète, des bêtes de 1, ça m'a fait une pipe de Grand Prix, j'avais la tête à l'envers, mon cœur. Elle a profité, j'étais en confiance et tout. Elle m'a pété ma Rolex, ça se fait pas, mon amour, sérieux. Sinon, tu penses bien, j'aurais fait attention, ma pupuse. C'est la montre que tu m'as offert, c'est trop de la tendresse pour moi, c'est un cadeau de ta part, c'est trop d'affection, mon sucre. Allez, viens, arrête de pleurer, vas-y, viens, pépon. Voilà, donc. Ah, le romantisme à la française. M. Villa, digne descendant de Lamartine, Gérard de Nerval, Alfred de Musset, on ne badine pas avec la tournante. Autant suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer sans avoir chaud de pisse une meuf qu'on fait netour. Bientôt nous plongerons dans les froids, de ténèbres. Adieu, vive clarté de nos étés trop courts. Un coup de rein chamé à tasser ses vertèbres, la tête dans l'oreiller. Elle vient dans un cri sourd. Ah, magnifique M. Villa. M. Villa, moi j'adore. Hein. C'est vrai. M. Villa, c'est le mec qui est capable d'aller au commissariat pour porter pomme parce qu'on lui a volé son shit. Hein. Je crois qu'on a compris là. C'est bon. Non, mais c'est important. C'est magnifique. Non, mais, en même temps, s'il ne retrouve pas sa montre, il demandera à Bogossian, il en filera une, il en a plein. C'est pas très grave. Lugano. Alors, Lugano, on a parlé de. C'est vrai que Lugano, on dit qu'il a un côté déménageur. Et en même temps, avec tous les cartons qu'il a depuis le début, il peut largement faire un déménagement tranquille. Hein, donc si ça vous intéresse. Et puis Lyon-Saint-Etienne. Avant, il y avait une des deux qui était une grande équipe. Maintenant, c'est fini, Lyon-Saint-Etienne. C'est pas le Classico. C'est le ESPN Classico. C'est les deux équipes du passé dont tout le monde se fout complètement. Maintenant, ils vont pouvoir jouer l'un contre l'autre à la PlayStation. Ils emmerdent plus personne. Lille qui a été décevant contre l'Inter. Alors l'Inter, je comprends pas qu'on perde contre cette équipe. C'est quand même bon. Avant c'était l'Inter Milan du spectacle. Maintenant c'est fini. Hein. C'est l'internat de Milan. Je sais pas comment ils font. C'est un centre de gériatrie. C'est plus Ranieri qu'il faut. Hein. L'homme de la situation, à mon avis, c'est Umberto Veronesi. Alors je sais pas si vous le connaissez. C'est pas un entraîneur. Hein. C'est un cancérologue italien spécialisé dans le soin palliatif. Hein, c'est pas pour soigner. Hein. C'est vraiment pour les accompagner dans une fin de vie. Hein, parce que visiblement la chivothérapie n'a plus d'effet. Et je pense qu'au prochain mercato, il faudra miser sur le croate et le polonais. Hein. Antibiotiques et Prozac, parce que sinon, je pense que pour eux, il y a. Non, parce qu'attendez, vous rigolez, Samuel, les joueurs là. Quand même, Samuel, il faut savoir qu'il a joué avec Maradona au Newell's Old Boys quand même. Je sais pas si tu vois que le mec, à l'époque, il avait même pas la télé à coin carré. Hein. Zanetti et Cordoba, ils jouent avec Laurent Blanc et Benoît Coué. C'est que c'est les mecs, ils ont vu arriver un petit jeune qui s'appelle Youri Djorkaeff, les mecs. Je sais pas si t'imagines. C'est comme si à l'OM, il y avait Deschamps et Anigo. Mais sur le terrain. Là, ça fait peur, quoi. Enfin, ça serait pas pire, c'est d'après Daniel. Hein, ça, c'est. Enfin, bref, donc Didier Deschamps, tout ça, bref, qui me font un petit peu de la peine. Et puis, les drôles de dames, vous avez critiqué beaucoup le club de Manchester. Pas United, hein, l'autre, hein. City Bellabes. Donc, City Bellabes, qui est une équipe de nouveaux riches, soi-disant. Alors, moi, je dis, il a raison, Daniel. Y'a la marre des clubs de nouveaux riches, on veut des anciens riches, des mecs qui ont toujours eu de la thune depuis le début et qui laissent crever ces salauds de pauvres là qu'on gagne au loto. Mais on les emmerde, nous on a du fric, c'est nous les patrons. Et je voudrais finir avant une chanson pour dire que oui c'est vrai, la France n'a pas rendu hommage à ce jeune motard italien qui est mort et qui n'a pas fait les premières pages, mais je vous rappelle quand même que si une fois la France avait fait des premières pages sur la mort d'un jeune motard italien, il s'appelait Michel Colucci. Ah bravo. Et puis une dernière chanson donc sur un joueur de Sochaux à la manière de Johnny, parce qu'il n'y a que Johnny qui peut chanter sur Sochaux. Voilà. Allez, c'est parti. Attention. Toute la technique que j'aime, elle vient du froid, elle vient bout de bouse. Ses dribbles ne sont jamais les mêmes quand il virevolte sur la pelouse. Merde, j'ai perdu. Aurélien, faut une petite laine. Mais attends, on peut la remettre au début, je me suis trompé. Ouais, non. Là, t'as fait un flop. La première fois, un flop. Non, bah, t'es exceptionnel. On la remet au début. Allez, vas-y. On la remet au début, elle était bien. Flop. Allez, c'est parti. J'ai merdé la technique. Et toute la technique que j'aime. Que j'aime, c'est assez. Elle vient du froid, elle vient bouze. Ses dribbles ne sont jamais les mêmes. Quand il vit le volte sur la pelouse. Ah mon billard, faut une petite laine. Sauf en été, il fait que moins 12. Sous les crampons, il met des chaînes. On se croirait au trophée Andros. Il y a 20 ans, près de Colmar, des berbères lui donnaient le jour. Les mois de 17 et les espoirs. Et puis les Fédèques par amour. Et Sochaux se maintiendra tant que jouera Boudouze. Boudouze à chaque match, il se déchaîne. Pour Méga et pour Roudet. Reprise de volée, il enchaîne. Sur un centre de David Sauger. Wow. Oui, Sochaux se maintiendra tant que jouera Boudouze. Et bonsoir. Ouais.